Chapitre 5e. Tigre et panthère. Carmela avait été installée dans l'appartement d'honneur du château de Kerdal. Cet appartement, situé au premier étage, se composait d'une antichambre, d'un boudoir et d'une vaste chambre à coucher. En entrant, le regard s'arrêtait tout d'abord sur une vieille tapisserie de Beauvais dont un amateur de curiosité eût offert des sommes folles. Elle représentait les exploits légendaires du roi Artus et de ses compagnons. Sur la muraille du fond se dressaient, pendus entre des panneaux, quatre grands cadres en chêne sculpté, avec les portraitures de guerriers à physionomie rébarbative. Ces redoutables personnages étaient les ancêtres du marquis. Le lit également en chêne sculpté, surmonté d'un baldaquin de velours violet, s'harmonisait avec ce milieu sévère. Deux grandes fenêtres, souvent sur un balcon, regardaient la mer, dont les flots, perpétuellement agités, venaient battre le bas de la falaise sur laquelle s'élevait, comme nous l'avons dit, le vieux manoir seigneurial. Lorsque Carmela franchit le seuil de la porte de cette pièce, à l'aspect tout à fois lugubre et grandiose, elle se sentit prise d'un tressaillement involontaire. Cette chambre immense, avec ses murs assez épais pour étouffer les cris, et ce balcon au bas duquel mugissait l'océan, lui semblait merveilleusement disposée pour la perpétration d'un crime. Et malgré toute sa bravoure, elle aurait à coup sûr préféré en ce moment avoir donné rendez-vous à Don José dans une forêt vierge ou dans l'une de ces interminables prairies de l'Amérique. « Il faudra me tenir sur mes gardes, » se dit-elle, « car mon fidèle amant est homme à ne reculer devant rien, pour anéantir de ma personne toute trace de son passé. » Elle sortit, en parlant ainsi, deux objets de sa valise. Le premier était un étui de petite dimension. Elle l'ouvrit et en tira un mignon revolver au manche fait d'un seul morceau d'ivoire. Ce revolver minuscule était à 6 coups. Elle fit jouer le ressort, introduisit 6 cartouches dans les alvéoles du bijou meurtrier, puis elle le mit dans une des poches de sa robe. Le second objet qu'elle retira de la valise était un poignard à lame épaisse et courte. Elle examina la pointe de cette lame avec une attention toute particulière, afin de s'assurer que la teinte de vernis bleuâtre qui y était fixée n'avait subi aucune altération. Cet examen terminé, elle mit le poignard dans son corsage. Elle prit ensuite sur la cheminée 2 candélabres à 3 branches, les alluma et les plaça sur une petite table derrière laquelle elle approchait un divan. « Mon tigre peut venir à l'heure convenue, » murmura-t-elle avec un sourire. « J'ai des dents pour mordre, si la fantaisie lui passait par la tête de vouloir pousser les choses au tragique. » Complètement rassurée à cet endroit, elle ouvrit alors une des fenêtres et, accoudée au balcon, elle aspira avec délice la fraîcheur qui montait de l'océan. Enfin, minuit sonna à l'antique horloge du château. Carmela, au deuxième coup, quitta le balcon et referma la fenêtre. Elle possédait sans doute cette finesse d'ouïe particulière aux sauvages, car bien avant que la porte de sa chambre s'ouvrît, elle avait entendu le bruit presque imperceptible d'un pas prudent dans le corridor. « C'est lui, » pensa-t-elle. Et semblable à une actrice qui prépare son effet scénique, elle s'étendit nonchalamment sur le divan devant lequel se trouvait la petite table. Ce n'était pas sans motif qu'elle s'était placée ainsi. La petite table pouvait, à un moment donné, lui servir de rempart contre une agression subite et lui laisser le temps de se mettre sur la défensive. Quelques secondes plus tard, Don José entra. Le bâtard de Clodion était vêtu d'une robe de chambre en cachemire bleu fort ample et négligemment nouée autour de la taille, par une cordelière en soie de même nuance. Il était pâle et semblait visiblement ému, quoiqu'il s'efforçât de cacher son émotion. Un simple coup d'œil avait suffi à la créole pour deviner une arme dissimulée sous son ample robe de chambre. Toutefois, elle feignit de n'avoir rien aperçu et elle invita avec le plus gracieux des sourires Don José à s'asseoir sur un fauteuil de l'autre côté de la petite table. Les bougies des candélabres éclairaient en plein les deux personnages, de sorte que le moindre mouvement fait par l'un d'eux ne pouvait échapper à l'autre. « Vous êtes exact, mon cher José, » dit Carmela à son nocturne visiteur, « et votre empressement me permet d'augurer que nous nous entendrons facilement et promptement. » « Le tout dépendra de la nature de vos demandes, » répondit le bâtard d'une voix brève et résolue. « Nous avons besoin de toute notre liberté d'esprit dans l'entretien que nous allons avoir, » repartit la créole d'un ton calme, « et c'est pour cela que je vous engagerai à supprimer dès à présent tout ce qui pourrait donner à cet entretien des allures trop vives et surtout trop persuasives. Je ne vous comprends pas, madame, de San Loco. vous avez des armes sous votre vêtement, un couteau de chasse ou un poignard, si je ne me trompe. » José fit un geste de dénégation. « À quoi bon mentir ? Vous avez agi en homme prudent, et je ne vous en blâme pas. Toutefois, vous ne vous étonnerez pas si de mon côté j'ai pris mes petites précautions. » Carmela, en prononçant ces paroles, tire de sa poche son revolver mignon à manche d'ivoire. « Il est à 6 coups, mon cher, et à balconique, » dit-elle de sa voix la plus suave. « Vous êtes une femme très forte, » répondit le bâtard de Clodion, sans manifester aucune émotion. « Oh, ce n'est pas tout, » continua Carmela, avec la même voix suave. « Voici un bon petit poignard mexicain dont la pointe de la lame a été trempée dans un excellent curare. Et vous le savez, la plus légère égratignure faite avec une pareille arme donne la mort dans l'espace de moins d'une heure. Peste, vous n'êtes pas une femme, mais un véritable arsenal, » répondit le faux-duc en souriant. « Vous l'avez dit, très cher, un arsenal complet. Ainsi donc, renoncez à tout moyen violent et déposez vos armes. Croyez-moi, c'est ce que vous avez de mieux à faire. » José, pris à son propre piège, ne pouvait refuser sans courir le risque d'amener un éclat qui eût infailliblement entraîné sa perte. Il tira de dessous sa robe de chambre un poignard renfermé dans une gaine d'argent et le posa sur la petite table. « Voyez combien je suis loyale et généreuse, » reprit la créole. « Afin d'éviter toute tentation mauvaise de votre part ou de la mienne, je vais placer dans le tiroir de cette table votre poignard et le mien, ainsi que mon revolver. » En même temps, elle serra les 3 armes dans le tiroir, qu'elle referma à double tour, et elle mit la clé dans sa poche. « À présent, causons comme de vieux amis que nous sommes, » dit-elle en s'accoudant sur la table et en regardant Don José en face. « Je vous écoute, » répondit-il. « En épousant Fernande de Croix-Marie, vous m'avez doublement volé, » repartit Carmela. « Oui, doublement, car vous m'avez pris le mari sur lequel j'avais tous les droits que confère une parole donnée, et seriez-vous jalouse ?» interrompit ironiquement le bâtard. « Et la moitié de la fortune qui devait me revenir comme complice du crime qui a fait de vous l'héritier du duc de Clodion ?» répliqua-t-elle sans répondre à la question de Don José. « Après, de 2 choses l'une, où vous avez épousé Fernande dans le but d'arrondir votre fortune, déjà passablement honnête, ou vous l'avez épousée par amour. Dans le premier cas, il vous en coûtera fort peu de faire ce que je vais vous prescrire. » Ces paroles étaient grosses de menaces, et le faux-duc résolut de prendre, comme on dit, le taureau par les cornes. « Supposons que je me sois marié par amour, et que j'aime aujourd'hui ma femme 100 fois plus qu'au premier jour. J'en serai désolé pour vous, et ravi pour moi, mon pauvre José, car la réparation que j'attends de vous serait plus complète que je ne l'avais espérée. » Laissons de côté les énigmes et expliquez-vous nettement, ma chère. J'ai décidé que vous quitteriez ce château, et si réellement vous aimez la duchesse autant que vous le prétendez, eh bien, je n'en serai que mieux vengé, moi qui vous aimais, car j'aurai la joie de vous voir souffrir autant que j'ai souffert. Quitter Fernande ? Fernande, qui m'a vie, mon bonheur ? S'écria José. Oui, mon cher, dit madame de San Luco avec un rire cruel. Mais cette séparation sera de courte durée, j'espère. Vous êtes bien curieux, répondit la créole en se renfermant dans un silence absolu. Le faux-duc était d'une pâleur livide. La colère et le désespoir l'envahissaient, ses poings se crispaient, et il commençait, pour nous servir d'une expression consacrée, à voir rouge. Carmela, qui ne le quittait pas des yeux, remarqua que par instant, il dirigeait ses regards du côté des fenêtres, et il comprit qu'il était temps de jeter une douche d'eau glacée pour arrêter l'incendie. « Voilà prêt, lui dit-elle, à vous laisser aller aux plus extrêmes résolutions sans réfléchir à quelles terribles conséquences vous vous exposeriez. Par 3 fois, vous avez regardé ces fenêtres qui donnent sur la mer, et 3 fois, la pensée vous est venue de m'étrangler et de me jeter ensuite dans les flots mugissants. Vous vous êtes dit, n'est-ce pas, que les murailles de la chambre où nous sommes sont assez épaisses pour étouffer les cris de mon agonie. Vous vous êtes traîtreusement introduite chez moi pour tuer le bonheur de ma vie, et en vous tuant, je ne ferai qu'user de mon droit de légitime défense, » répondit le bâtard de Clodion. Et à mesure que sa fureur allait en grandissant, à mesure Carmela devenait plus froide et plus maîtresse d'elle-même. « En ce cas, vous signeriez votre arrêt de mort. Et comment, s'il vous plaît ? Et quoi, insensé que vous êtes ? Vous m'avez donc cru assez stupide pour venir affronter le tigre dans son repaire sans avoir pris à l'avance toutes les précautions nécessaires pour rendre sa rage impuissante. Avant mon départ du Texas, j'ai eu soin de relater par écrit tous les détails de notre crime, et avant de me rendre ici, j'ai confié cet écrit accusateur à une personne qui devra le remettre entre les mains de la justice 6 ou 3 jours, je ne vais pas le lui reprendre. « Mais je dirais que vous étiez folle, » répondit Don José en levant les épaules, « et nul au monde ne pourrait me démentir puisque notre crime n'en a eu pour témoin et pour complice que des Comanches qui ne quitteront pas leur forêt pour venir déposer contre moi. « Ah, vous comptez sur l'impunité. Erreur, mon cher, et c'est vous-même qui vous dénoncerez. Vous portez sur le sein gauche la cicatrice d'une blessure que vous vous êtes faite étant tout enfant, et les anciens serviteurs de votre père, que la justice française ne manquera pas, moi morte, et sur la demande de la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'appeler en témoignage, et qui tous connaissent cette cicatrice, n'auront qu'une voix pour vous démasquer. » Ce dernier argument était écrasant. « Je suis vaincu, » dit José d'une voix résignée, « dictez vos conditions. » Mais Carmela, qui tenait à assurer son empire contre toute nouvelle tentative de révolte, répliqua ainsi, « Je n'ai pas achevé. » Et il importe d'autant plus que nous demeurions en bonne intelligence qu'un danger sérieux vous menace. Pedro Diaz n'est pas mort. « Lui, vivant ?» s'écria le bâtard. « Vous m'aviez écrit que vous vous chargeriez de lui. » Il avait survécu au coup de couteau du chef indien. Et il a également survécu au poison que je lui ai fait verser. De plus, il doit arriver en France par le prochain paquebot. Mais alors je suis perdu. Non, Pedro Diaz ne sait rien. Il croit que c'est vous qui avez disparu. Et pourvu que vous ayez du sang-froid, il ne s'apercevra pas de la substitution qui a eu lieu. Si plus tard, il soupçonnait quelque chose, avec de l'argent, trouve à Paris des gens prêts à tout faire. Mais vous m'avez demandé à quelles conditions je garderai le silence. Je vais vous les faire connaître. Je retournerai demain à Paris, et sous 15 jours, vous viendrez m'y rejoindre. Une lettre à votre nom à la poste restante vous indiquera ma demeure. Je vous y attendrai, et nous compléterons notre entretien de cette nuit, car il me reste encore beaucoup de choses qu'il serait trop long de vous expliquer ici. Maintenant, veuillez me remettre la moitié de la fortune que vous avez volée à votre frère et qui m'appartient de par ma qualité d'associé dans ce vol. Le bâtard essaya de protester, mais l'implacable créole ne voulait rien entendre. « J'ai pris tous mes renseignements, » dit-elle. « Cette fortune, vous l'avez ici, en billets de banque. Il me revient pour ma part 1 million. Il me le faut à l'instant même. Allez me le chercher, je vous attends. » Elle se leva en proférant ces paroles, et elle accompagna, mais à une distance prudente, le faux-duc de Clodion jusqu'à la porte de son appartement. Un quart d'heure après, elle avait 1 million et le serrait dans sa valise. Ensuite, elle ferma sa porte à double tour, plaça le revolver et le poignard sur sa table de nuit et ne tarda pas à s'endormir, bercée par des rêves d'or.